بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الحديث 44 بعد 100 44 حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده وإنهما لا ينكسفان أو ينكسفان نعم لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم منهما شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. Donc selon ce sahabi qui est Abu Mas'ud, Uqba ibn Amir al-Ansari, radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que la lune et le soleil sont deux signes parmi les signes d'Allah azawajal, par lesquels Allah effraie ses serviteurs. Et qu'il ne s'éclipse pas pour la mort de personne. Et qu'il ne s'éclipse pour la mort de personne parmi les gens, ni pour leur vie. C'est-à-dire, si quelqu'un meurt, il n'y a pas d'éclipse. Si quelqu'un viendrait à naître, il n'y a pas d'éclipse pour lui. Pour cette raison-là. Donc si vous voyez justement ces éclipses, alors faites la salat et invoquez jusqu'à ce que cela se dissipe. يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الراوي الرابورتور سي عقبة ابن عمرو ابن ثعلبة الأنصاري الخزرجي البدري شهد عقبة وجزم البخاري بأنه شهد غزوة بدر وقيل لم يشهدها وإنما نزلها فنسب إليها وشهد غزوة أحد وما بعدها. Donc il a été dit qu'il a été appelé le Badri du fait qu'il aurait soi-disant participé à la bataille de Badr, comme l'a affirmé le Bukhari. Et en réalité, d'autres ulama ont dit que le Bukhari là-dessus s'est trompé, n'est pas vu juste, et en réalité, il a été nommé Al-Badri du fait qu'il a habité à Badr. Donc il a été affilié à ce lieu-là. Par contre, il a participé à la bataille de Uhud et les autres qui sont venus par la suite. Nazal al-Kufa wa stakhlafa alayha marratan. توفي فيها وقيل في المدينة سنة 40 أو بعدها. Et après il a été mis justement comme gouverneur à Al-Kufa, là où il s'est rendu pour vivre, puis il y est mort. Et dans une autre version il dit qu'il est mort à, il a été dit qu'il était mort à Al-Madina à l'an 40 de l'Hégire. Ou par la suite. نعم. يقول موضوع الحديث في الحديث بين الحكمة من الكسوف وماذا يصنع إذا وقع. Maintenant ce hadith est pour montrer la sagesse de la raison justement de l'éclipse, et que faire si jamais cela se produit. Yaqulu fi sharh al-ijmali, explication globale du hadith. Kasafat ash-shamsu fi 'ahd an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa kana min hikmati Allah ta'ala an yakawa kusufuha fi al-yawm alladhi mata fihi Ibrahim ibn an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc justement, il y a une éclipse solaire à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et c'est la seule qui a eu lieu de toute sa vie à son époque en tant que prophète et messager. Une seule éclipse. Et dans la sagesse d'Allah, cela fait que cela coïncidait avec le jour de la mort de son fils Ibrahim, alayhi salam. وكان الناس يعتقدون في الجاهلية أنها لا تنكسف إلا لموت عظيم، فجاء كسوفها في وقت المناسب لإبطال هذه العقيدة. Et les gens avaient pour croyance auparavant dans la jahiliya qu'une éclipse n'avait lieu que pour la mort d'une personne importante. Donc cette éclipse-là a coïncidé avec cet événement-là qui était la mort d'Ibrahim, justement afin de pouvoir annuler cette croyance qu'ils avaient. C'était l'occasion pour eux d'apprendre que cela n'était pas vrai, qu'il n'y avait pas d'éclipse pour l'occasion de la mort de quelqu'un ou de sa naissance. ففي هذا الحديث يخبر أبو مسعود عقبة ابن عمرو البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وأن الحوادث الأرضية لا تؤثر فيهما شيئا. Donc là, ce sahabi a informé que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'aura informé que la lune et le soleil sont deux signes parmi les signes d'Allah azawajal. Et que les événements terrestres n'ont aucune influence sur eux, sur les astres. Aucune influence. C'est-à-dire ce qui se passe sur Terre n'est pas une chose qui amène à ce que ces éclipses aient lieu. فَلَنْ كَسِفَنَ لِمَوْتِ عَظِيمٍ وَإِنَّمَا يَنْكَسِفَنَ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى تَخْوِيفِهَا لِلْعِبَادِ مِنْ آثَرِ ذُنُوبِهِمْ وَعُقُبَاتِهِمْ. ولذلك أمرنا بالصلاة والدعاء وهما من أسباب انكشاف الضرر حتى ينكشفوا ما بنا وينخلي الكسوف. Donc justement que ces éclipses n'ont pas lieu pour la mort ou la naissance de quelqu'un, mais juste par l'ordre d'Allah. C'est Allah qui ordonne que ces éclipses aient lieu afin de faire peur à ses serviteurs et que cela justement pour que leurs serviteurs justement aient peur de leurs péchés et des conséquences de ces péchés. Et pour cela, il nous a ordonné de faire la salat et l'invocation. Donc, ces éclipses sont parmi les causes qui nous permettent de pouvoir expier nos fautes en accomplissant ces actes d'adoration pour que Allah nous pardonne. Et cela doit se dérouler jusqu'à ce que l'éclipse se dissipe. C'est-à-dire la salat et ces doras, et cet istighfar et cette sadaqa que nous devons faire à ce moment-là doivent continuer jusqu'à ce que l'éclipse se dissipe. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu ce que les gens appellent ça, un événement naturel. Ce n'est pas une chose naturelle, c'est une chose divine. C'est Allah Azzawajal qui a ordonné à la lune et au soleil de s'éclipser, que ce soit partiellement ou totalement. Mais aujourd'hui, c'est devenu un événement comme un spectacle que les gens viennent contempler des quatre coins du monde. S'ils savaient ce que cela renfermait comme sagesse, normalement, nous serions censés pleurer et avoir peur pour nous. Et nous sommes là à filmer, à rigoler, à être impressionnés, éblouis. Et à inventer je ne sais quoi comme légende ou mythe par rapport à ces événements-là. C'est une erreur de notre part. C'est une erreur de notre part. Une grande erreur de notre part. Et la multitude d'éclipses sont parmi les signes de l'approcher de l'heure. Plus il y a d'éclipses et plus l'heure se rapproche. Et notre époque aujourd'hui, nous avons droit à une, voire deux éclipses par an. Alors qu'avant, à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'y en a une qu'une à l'époque des Sahaba. Du moins du vivant du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager et prophète. يقول من فوائد الحديث من الصلمان الحديث أن الشمس والقمر آيات من آيات الله دالة على عظيم قدرته وواسع علمه ورحمته. Donc la lune et le soleil sont deux signes parmi les signes d'Allah Azza wa Jal qui indiquent justement la grandeur de son potentiel, sa capacité et la largeur de sa science et de sa miséricorde. ثانيا أنهما لن ينكشفان لموت أحد من الناس. Qu'il n'y a pas d'éclipse à l'occasion de la mort de qui que ce soit. ثالثا أن الحكمة من كسوفها أو كسوفهما تخويف العباد. Et que la sagesse justement de ces éclipses, c'est pour faire peur aux serviteurs, pour leur faire le rappel. رابعا الأمر بالصلاة والدعاء عند رؤية الآيات المخيفة حتى تنكشف ما وقع. Qu'il est obligatoire de faire la salat et d'invoquer lorsque l'on voit un signe parmi les signes effrayants d'Allah Azza wa Jal jusqu'à ce que cela se dissipe. Et certains ulama sont partis jusqu'à dire que s'il y a un tremblement de terre ou des raz-de-marée, ou ce genre d'événements qui sont là, parmi les signes d'Allah Azzawajal, que l'on fasse un salat. Et en réalité, il n'y a pas de preuve. Les dalils n'est venu que pour l'éclipse, et pas pour le reste. Maintenant, rien n'empêche à la personne de faire une salat en elle-même, d'invoquer pour elle-même, mais ce rassemblement de salat en jama'a, en réalité, n'a pas de preuve indiquant qu'il faille le faire pour tout événement de la sorte. Cela n'est propre que aux éclipses. خامسا أن الصلاة الكسوف تفعل أن رؤية ولا يعتمد فيها على حساب الفلكيين. La salat du kusuf ne se fait que lorsque l'on voit l'éclipse et non pas en se basant sur les calculs des astrologues ou d'astronomes plutôt. Même si eux souvent ont raison et disent que par exemple une éclipse aura lieu à tel ou tel moment, on écoute l'information, mais nous on n'agit pas tant qu'on ne voit pas l'éclipse de nous-mêmes. Lorsqu'on la voit, là on appelle et là on fait la salat. Car eux peuvent se tromper. Naam. ثم قال سادسا أن صلاة الكسوف تفعل كل وقت حتى في أوقات النهي. Et que cette salat-là se fait à n'importe quel moment, même dans les temps où la salat est interdite. C'est-à-dire, par exemple, si elle a lieu après le fajr, avant que le soleil se lève, ou lorsque le soleil est en train de se lever, ou après l'asr, ou akada. Cette salat se fait à tout moment. Dès que l'éclipse se fait voir, cette salat s'accomplit. Et cette salat doit durer le temps que l'éclipse dure également. Non. هذا الذي خذنا اليوم من هذا الحديث والحمد لله رب العالمين.